tympan sur l'enceinte afin d'approcher le silence. C'est l'insolence du cerveau de celui qui a la bouche et s'élance. C'est voir défiler sa vie dans le noir jusqu'à la prochaine séance. Nos rêves mystiques défient la science et leurs erreurs d'affiliation. Un chemin plein de déviations, alors on mène des vies à 100 à l'heure. Il faut choisir un camp, donc les idées se simplifient. Quand je te demande c'est ça que tu voulais faire plus tard, je sens que tu fuis. Et les valeurs humaines se perdent au détriment du scientifique. Quand l'homme moderne ne devient plus qu'un être immonde qu'on sanctifie, j'adopte une vision large, évitant ceux qui pour quelques dollars changent les faux amis qui te rendent service et qui te